La vie de rêve, c'est ce qu'on veut tous savoir. Pelons beaucoup scotch sur les trottoirs. L'argent intrigue, fatigue, fait tourner la tête. On court après jusqu'à ce que la mort nous arrête. Le bonheur égale argent, y a plus de pitié. Plus d'affection, plus d'amour, ni d'amitié. L'argent te donne tout, et même des sentiments. Combien de femmes s'en fout de l'homme et pensent qu'au testament. On ne juge plus ton caractère, mais ce que tu possèdes. Une belle voiture, une ville à fond qu'on t'accepte. L'argent doit être une invention du diable. Si tu le possèdes en masse, t'es intouchable. Quand t'as pas ses billets, t'as pas le choix. Tu triches et l'enfer sera ton prochain chez toi. Tu vois, ce n'est qu'un cercle vicieux. Quoi que tu fasses, tu te retrouves au même lieu. Je marche la tête haute, je vis comme je peux. Aujourd'hui la fortune, on en rêve, on en veut. Ma vie, une impasse remplie de barrières et de murs. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, on sait que la vie est dure. Je marche la tête haute, je vis comme je peux. Aujourd'hui la fortune, on en rêve, on en veut. Ma vie, une impasse remplie de barrières et de murs. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, on sait que la vie est dure. Le cash monnaie, tout le monde court après. Tout le monde le veut, personne ne l'a à jamais. Il creuse des tombes et fait tourner les têtes. L'argent fait tourner la terre, on croule sous les dettes. Y'a de la maille dans nos esprits, l'esprit c'est la maille. C'est ce que pensent les jeunes quand ils jouent les cailles. L'argent pourrit les gens, enlève leur intelligence. Les rend moins indulgents et change leurs dépenses. C'est juste une question d'étoile, si t'es sous la mauvaise. Tu feras n'importe quoi, histoire de te mettre à l'aise. La maille est au cœur de trop de conflits. Quand y'en a pas, on galère, on sait pas ce qu'on fait. Mais quand y'en a en masse, on crache dessus. Des piscines de billets, on tape des brasses dessus. À quoi ça sert au final d'être riche comme Crésus? Tu seras pas plus heureux si tu roules en Lexus. Je marche la tête haute, je vis comme je peux. Aujourd'hui la fortune, on en rêve, on en veut. Ma vie, une impasse remplie de barrières et de murs. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, on sait que la vie est dure. Je marche la tête haute, je vis comme je peux. Aujourd'hui la fortune, on en rêve, on en veut. Ma vie, une impasse remplie de barrières et de murs. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, on sait que la vie est dure. L'odeur de ces papiers, dis-moi qui peut s'en passer. Ni moi ni toi, on en veut toujours ramasser. Peu importe combien on a, c'en est jamais assez. Pourquoi s'arrêter si plus peut s'entasser? Regarde comment certains se doivent le procurer. Ils braquent, qui tuent ou ils vont se prostituer. Le but de la vie, c'est de devenir riche. De la maille, et du reste on s'en fiche. L'argent, l'oseille, la maille, ce qui nous fait rêver. Sûr d'y arriver, combien en ont crevé. Les gens hard, ça rend les gens fous. Ça fait reconnaître les frères, ça divise les crews. De nos jours, y'a que le pognon qui parle. T'en as pas, t'es une merde, si t'en as, t'es une star. Pour en avoir, les gens seraient prêts à se damner. Mais la plupart du temps, ils finissent condamnés. Mais la plupart du temps, ils finissent condamnés. Je marche la tête haute, je vis comme je peux. Aujourd'hui la fortune, on en rêve, on en veut. Ma vie, une impasse remplie de barrières et de murs. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, on sait que la vie est dure. Je marche la tête haute, je vis comme je peux. Aujourd'hui la fortune, on en rêve, on en veut. Ma vie, une impasse remplie de barrières et de murs. Mais qu'est-ce que tu veux y faire, on sait que la vie est dure.